13. L'énigme du spot Christum Mystère. Picaouette. 8 lettres mélangées dans la malle endormiront AP pour réveiller PN. Trompette. Je ne comprends rien du tout. Flagadelle. Moi non plus. Picaouette. Mélangé dans la malle. Regardons dans la malle. Trompette. Mais je n'ai jamais mis de lettres dans la malle. Flagadelle. Picaouette a raison. Regardons dans la malle. C'est écrit dans l'énigme. Là. En voilà une. C'est un A. Picaouette. Donne la lettre à Trompette, Flaga. Trompette. Pose-la ici. Trompette. Tu te prends pour le chef, monsieur Picaouette? Picaouette. Je ne me prends pas pour le chef, monsieur Trompette. Je suis le chef. Flagadelle. Une autre lettre. Un L. Trompette. Donne, Flaga. C'est marrant comme jeu. Flagadelle. Et une troisième lettre. Un A. Picaouette. Encore un A? Ala. Ça fait Ala. Ala Clairefontaine? Trompette. N'importe quoi. Picaouette. Je cherche l'énigme, moi, au moins. Flagadelle. Deux autres lettres. Un N et un P. Trompette. Bon, ça fait Alampe. Picaouette. Alampe? Alampe d'Aladin? Flagadelle. Et un O. Trompette. Alampo. Picaouette. Pfff, ça veut rien dire, Alampo. Trompette. Moi aussi, je cherche l'énigme. Flagadelle. Et un P. Et enfin, un E. Trompette. Alampop. Picaouette. Alampop. Flagadelle. Alan Pop. Ah ben ça alors. Trompette. Et après? C'est ça l'énigme? Alan Pop? Picaouette. Mais non! Il faut mélanger les lettres. A, L, A, N, P, O, P, E. Flagadelle et Trompette mélangent les lettres dans tous les sens, mais ils ne trouvent pas. Quand tout à coup, Picaouette. Eureka ! Trompette, tu parles grec maintenant. Flagadelle, tu as trouvé Picaouette ? Picaouette, je crois bien que oui. Je suis incroyable aujourd'hui. Bah, prenez un P, prenez un A, prenez encore un P, encore un A, ensuite prenez un N, prenez un O, Trompette, et puis le E, Flagadelle, et puis le L comme Flagadelle, Picaouette, et ça fait P-A-P-A-N-O-E-L, Papa Noël. Tous, Papa Noël. Trompette, c'était ça l'énigme? Picaouette, oui, le spot Christum Mystère. Flagadelle, 8 lettres mélangées endormiront AP pour réveiller PN. Trompette, AP comme Alan Pop. Picaouette, PN comme Papa Noël. Trompette, et alors? Picaouette, oui, c'est vrai ça, et alors? Flagadelle, et alors? Alors, ça veut dire que Alan Pop et le Père Noël, tous, sont une seule et même personne. Flagadelle, le Père Noël, déguisé en Alan Pop, est venu chez nous, au Pays des Miracles, pour nous ramener chez lui, dans son village, pour retrouver Rudolf, son petit renne au nez rouge. Trompette, pour sauver Noël. Picaouette. Quoi? Vous avez vu le vrai Père Noël et vous m'avez laissé enfermé dans la malle? Flagadelle. Nous ne savions pas que tu étais dans la malle, Picaouette. Et crois-tu sincèrement que nous t'aurions gardé volontairement prisonnier? Picaouette. Non. Flagadelle. Et crois-tu une seule seconde que nous savions qu'Alan Pop était le Père Noël? Picaouette. Non. Trompette. Alors, pouette, pouette, monsieur Picaouette. Picaouette, alors pouette pouette toi-même, monsieur Trompette. Flagadelle, vous me faites peur, arrêtez. Chantez plutôt avec moi la chanson du Père Noël. Picaouette, petit papa Noël? Trompette, non, la mère Michel qui a perdu son chat. Picaouette, ah bon? Avec le père Lustucru, tout ça? Trompette, mais non, je plaisante. Petit papa Noël, bien sûr. Flagadelle, allez, on y va, on chante. Tous, petit papa Noël. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Picaouette, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Trompette, Picaouette, tu chantes la mère Michel. Picaouette, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la-la. Trompette, quoi la-la-la? Flagadelle, oui, quoi la-la-la? Picaouette, ben là, regardez, là, derrière vous. Flagadelle et Trompette se retournent et voient le Père Noël, le vrai, en chair et en os, avec sa grosse barbe blanche, son manteau rouge et blanc et son bonnet. Il les regarde dans un grand éclat de rire. Le Père Noël. « Merci, mes amis, merci. Vous m'avez remonté le moral. Grâce à vous, Rudolf va tirer mon traîneau et je vais pouvoir distribuer les cadeaux. Et j'ai une proposition à vous faire. Je vais vous le dire à voix basse. Je ne veux pas que les lutins entendent, car c'est une surprise. » Le Père Noël s'approche de Flagadelle, Trompette et Picaouette et leur chuchote un secret. Flagadelle, « C'est merveilleux, merci, Père Noël. » Trompette, « Oh oui, c'est trop chouette. » Picaouette, je crois bien que je suis tellement ému que je vais tomber dans les pommes. Et Picaouette tombe effectivement dans les pommes, dans la malle. Flagadelle et Trompette se précipitent pour le réveiller, lui faire un peu d'air et lui donner à boire et à manger.